faire des observations honnêtes. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'un des moyens qui permet à l'individu d'intégrer sa fusion d'une manière adéquate, sans en souffrir, eh bien, c'est de ne pas s'illusionner avec cette dernière et pour y arriver, il faut qu'il fasse des observations honnêtes dans sa vie, c'est-à-dire observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour lui permettre d'évoluer et également d'être bien dans sa peau. Donc, autrement dit, faire des observations honnêtes, d'ailleurs, ça s'applique à la plupart des gens, que la personne vive ou non un processus de fusion, c'est-à-dire d'harmonisation de l'énergie de l'âme avec celle de l'esprit ou non. Dans tous les cas, faire des observations honnêtes, ça s'avère utile parce que c'est ce qui permet à l'individu de se positionner intelligemment par rapport à son environnement. Donc, faire des observations honnêtes lui permet de sortir de la croyance aveugle et qui l'amène à adopter des raisonnements qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas fondés sur une compréhension de la réalité qui lui est propre. Faire des observations honnêtes, bien entendu, ça s'appuie sur l'exercice du jugement. Donc, les observations, ça peut être au niveau physique et énergétique. Au niveau physique, ben, c'est à portée de tout le monde. Donc, quelqu'un, par exemple, qui observe que lorsqu'il boit du café quelques minutes avant de se coucher, que ça l'empêche de dormir parce que le café va activer son organisme. Le café va l'amener à connaître de l'insomnie parce que ça comporte de la caféine qui stimule l'activité. Donc, quelqu'un qui observe ça, eh bien, s'il tire les conclusions nécessaires de son observation, eh bien, il va s'organiser pour ne pas boire de café quelques minutes avant de se coucher parce qu'à ce moment-là, ça va nuire à son sommeil. Donc, ça, c'est un exemple d'observation qu'une personne peut faire. Donc, faire des observations honnêtes, c'est ce qui permet à l'individu de regarder qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans son environnement, qu'est-ce qui fonctionne ou non en vue d'avoir certains résultats. C'est d'ailleurs dans le même esprit que celui de la science. Faire des observations honnêtes au niveau psychique, c'est un petit peu plus subtil parce que à ce moment-là, il faut éduquer sa perception qu'on peut avoir. Pour avoir la perception, bien, à la base, il faut être capable de percevoir les énergies qui sont derrière les formes. Et ça, c'est en relation avec le contact, avec le plan mental. Donc, c'est sûr que si l'individu n'est pas en contact avec le plan mental, il n'est pas en mesure par la suite de percevoir la vibration mentale, étant donné qu'il n'est pas mis en relation psychique avec cette dernière pour être capable de la décoder. Donc, comme un célèbre adage philosophique l'a déjà dit, le semblable ne peut qu'être connu que par le semblable. Donc, autrement dit, si quelqu'un n'est pas en contact avec la vibration mentale, il ne peut pas reconnaître la présence d'une vibration mentale en relation avec un individu ou en relation avec un événement ou autre. Donc, à ce moment-là, ça demande un prérequis pour être capable de percevoir dans les énergies qu'est-ce qui se passe dans l'optique de faire des observations qui sont honnêtes. Donc, les observations, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être, par exemple, d'observer la vibration que dégage une personne, voir cette personne-là, lorsqu'on parle avec elle, ça nous donne plus ou moins d'énergie qu'avant qu'on soit avec elle. Donc, voir si la personne rehausse notre niveau d'énergie, le maintient ou la baisse. Ça, c'est un exemple d'observation au niveau vibratoire qu'on peut faire. Donc, si on sort d'une conversation avec quelqu'un et on se sent plus vidé qu'au moment qu'on l'avait commencé, eh bien, cela nous indique que la personne nous enlève de l'énergie. C'est que quelque part, ses propos vont nous atteindre dans notre psyché, de sorte qu'on va vibrer à des émotions, on va se laisser perturber par elles, et à ce moment-là, on va se retrouver en perte d'énergie. Donc, autrement dit, si un contact avec une personne n'est pas ajusté, ça amène automatiquement de la réflexion et du vécu d'émotion. Alors que si le rapport est totalement ajusté, au contraire, l'individu reste neutre dans le mental et ne gaspille pas ses énergies émotives ou intellectuel à de la réflexion parce que la personne reste dans une vibration qui est mentale. Elle ne se laisse pas alors imprégner par l'astralité de l'autre personne. Bien entendu, quelqu'un qui est centrique peut être en contact avec une personne qui a une vibration très haute, très basse ou égale à la sienne, sans se laisser imprégner par elle si elle a une force de rayonnement intérieur qui lui permet d'avoir une très grande stabilité mentale et de ne pas se laisser perturber par son environnement. Et ça, c'est souvent difficile parce que ça demande à l'individu de s'être doté au préalable d'une identité qui est forte. Une identité qui est forte fait en sorte que l'individu n'est pas sujet au chantage émotif, n'est pas sujet à la jalousie, à l'orgueil, n'est pas sujet à la tristesse, à la pitié. Donc, n'est pas sujet à différents éléments qui vont l'amener à vibrer émotivement et colorer son comportement par la suite. Donc, autrement dit, la personne est imperméable aux influences astrales de son environnement pour rester stable dans une vibration mentale qu'elle va rayonner face à son environnement. Et ça, ça demande beaucoup de volonté de se maintenir dans une vibration mentale. Et pour y arriver, l'un des moyens, bien, c'est de faire des observations honnêtes. Donc, quand telle personne me dit telle chose, qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, les observations peuvent se faire au niveau de l'intériorisation. Donc, quelqu'un qui me dit que je ne suis pas bon, est-ce que ça m'amène à ressentir du doute par rapport à moi-même? Est-ce que ça m'amène à ressentir de la tristesse? Ça m'amène à ressentir une lourdeur émotionnelle s'installer, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un doit observer qu'est-ce qui se passe. Il doit être capable d'évaluer si le commentaire est fondé. Donc, si quelqu'un se fait dire qu'il n'est pas bon par autrui ou par une petite voix intérieure qu'il met en relation avec une entité, eh bien, c'est de voir si le fait de se dire ça est en relation avec une réalité. Donc, quelqu'un peut poser la question suite à la réception d'un commentaire qu'il entend de ses oreilles ou qu'il perçoit dans son intériorité. Est-ce que c'est réel ou non? Et si ça dit non, il faut qu'il soit capable de passer à autre chose. Par contre, si ça dit oui, quelque part, il n'est pas bon pour telle chose, il faut qu'à quelque part, ce commentaire-là n'ait pas pour but de l'abaisser. Donc, quelqu'un, par exemple, peut être moins bon qu'une autre personne à la musique pour jouer d'un instrument, mais ça ne veut pas dire qu'en tant que tel, cette personne-là est mauvaise. Donc, autrement dit, il faut mettre les choses en contexte, que la personne peut présenter une moins bonne habilité à jouer d'un instrument de musique qu'une autre, mais ça y enlève à rien par rapport à son intégrité personnelle. Autrement dit, ça ne fait pas d'elle d'une mauvaise personne pour autant. Donc, la personne ne cesse pas de démolir complètement par rapport à un commentaire lié à une lacune qu'elle peut présenter. Donc, elle doit être capable de remettre ça en contexte d'une manière neutre, avec une certaine objectivité, pour jamais se sentir rabaissé par quoi que ce soit. Et c'est la même chose aussi pour la surévaluation, parce qu'il peut y avoir des entités ou des individus qui, par la flatterie, peuvent chercher à manipuler des gens. Donc, autrement dit, quelqu'un qui se fait chanter la pomme, qui se fait dire qu'il est beau, qu'il est fin par quelqu'un d'autre, en vue que cette autre personne-là obtienne de lui un privilège, eh bien, à ce moment-là, la personne peut être manipulée. Donc, quelqu'un qui se fait dire qu'il est un excellent musicien, alors que ce n'est pas vrai du tout, eh bien, à ce moment-là, cette personne-là est déconnectée de la réalité et ça fait en sorte qu'elle a un regard malhonnête sur elle-même qui est amené par autrui ou par une entité qui lui dit des propos comme ça. Donc, autrement dit, c'est toujours évalué par rapport à l'information qui nous est présentée sur le plan de la pensée ou par des individus interposés à travers la communication ou notre environnement. Qu'est-ce qui est réel ou pas? Et la seule façon de trancher, c'est vraiment de s'appuyer sur un jugement personnel qui va faire fleurir par la suite l'intelligence individuelle, en ce sens que l'individu ne peut pas se fier à personne pour déterminer qu'est-ce qui est réel. Il ne peut pas se fier aux gens de son environnement, que ce soit des gens bien intentionnés, des membres de sa famille, des amis de longue date, que ce soit par la suite des entités avec lesquelles il est en contact, des entités du monde de la mort, des entités angéliques, des entités extraterrestres, et même sa contrepartie cosmique. Donc, il ne peut pas se fier à rien pour déterminer ce qui est réel, parce qu'à ce moment-là, il t'en remorque de d'une intelligence extérieure à la sienne, et ça le garde dans un état de dépendance. Et comme il ne fait pas les observations honnêtes lui-même sur ce qui se passe, bien, il se base sur des observations d'autrui. Et si ces observations sont erronées, qu'il ne les vérifie pas parce qu'il les croit, c'est-à-dire qu'il y adhère d'une manière spontanée, sans en faire une évaluation vibratoire à partir d'une lecture vibratoire, eh bien là, à ce moment-là, il s'expose à connaître des manipulations à son désavantage. Et c'est ça l'un des pièges que l'individu qui se conscientise peut connaître. C'est le fait que même s'il reçoit des pensées qui proviennent d'entités qu'il canalise, que cela n'est pas une garantie que ces dernières sont toujours réelles. Donc, c'est pas parce que la personne reçoit de l'information d'une manière médiumique que ça veut dire que ces informations sont tout le temps valides. Et par rapport à ça, l'un des meilleurs moyens de rester en équilibre par rapport aux informations qu'il reçoit, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe en lien avec ces dernières. Donc, autrement dit, quelqu'un qui lui est dit qu'à telle date, il va y avoir tel événement, que ce soit par un individu ou par une voix intérieure d'une entité, ben, il peut regarder si ça se produit. Puis, si ça ne se produit pas, réaliser que quelque part, on a cherché à l'influencer avec une information erronée pour l'induire en erreur. Donc, c'est de faire des observations honnêtes sur ce qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui n'arrive pas. Et ça, au fil du temps, ça permet de développer un sens critique extrêmement pointu qui va permettre à l'individu de se libérer totalement de la croyance et de la fascination de quelque forme que ce soit à l'égard d'individus ou d'entités. Les observations honnêtes, des fois, ça peut paraître simpliste. Ça peut être tout simplement d'observer l'impact de nourriture sur le corps physique, d'une pensée sur un comportement, d'une musique sur un état d'esprit. Donc, quelqu'un peut observer que, par exemple, quand il écoute tel type de musique, heavy metal, ça lui amène à ressentir telle émotion, alors que lorsqu'il écoute une musique classique, ça l'amène à ressentir telle émotion. Et lorsqu'il écoute un autre type de musique calme, eh bien, ça l'amène à se centrer sans ressentir aucune émotion, ce qui n'est pas pareil. Donc, c'est ce type d'observation-là qu'il fait au fil du temps, en les intégrant et en agissant en conséquence, qui va lui permettre de se positionner intelligemment dans sa vie de tous les jours pour être capable d'améliorer concrètement son sort, d'évoluer et d'être bien dans sa peau. Concrètement, faire des observations honnêtes, ça peut amener une personne à réaliser que lorsqu'il écrit des livres en relation avec une communication télépathique interne qu'il vit, que quelque part, ces livres-là n'ont pas nécessairement pour but d'être diffusés à des millions de personnes. Donc, autrement dit, quelqu'un peut réaliser que de vendre des livres qui ont un trait à la conscience à l'époque présente, ça se peut que ça soit moins payant que de travailler au salaire minimum, étant donné que la personne qui travaille au salaire minimum dans une société en Occident, eh bien, elle a un salaire qui rentre, alors que le livre, ben, c'est pas garanti que ça va donner un revenu. Puis dans certains cas, s'il n'y a pas assez de demande, ben, ça devient moins rentable et ça demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de force à écrire des livres qui ne se vendent pas que tout simplement faire un travail au salaire minimum qui répond aux besoins de la société dans laquelle l'individu se trouve. Dans certains cas, d'ailleurs, il y a des gens qui se font piéger pour des raisons d'orgueil spirituel en relation avec leur attachement aux forces, à produire, que ce soit des livres, que ce soit des œuvres d'art. Quelqu'un peut être en contact avec des entités qui l'amènent à canaliser de la créativité en vue de réaliser des peintures. Ça peut être des très belles peintures. L'individu peut être extrêmement talentueux. Il peut être davantage original que d'autres individus dans sa société, sauf que le point, c'est que si cette créativité qui provient de l'esprit ou d'entité hautement évoluée ne permet pas à l'individu de vivre décemment, alors qu'il travaille d'une manière forcenée à faire ces peintures-là, donc quelqu'un qui passe 60-80 heures par semaine à faire les peintures, à essayer de chercher des contrats pour être capable de vivre décemment comme artiste, alors qu'à côté de lui, il y a une autre personne qui travaille au salaire minimum 35 ou 40 heures par semaine, et qui travaille avec une certaine facilité parce qu'il fait des tâches répétitives, qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de concentration et autant d'énergie. Mais comme la société a mis en place des règles que l'individu doit avoir un salaire minimum, entre autres au Québec, bien cette personne-là bénéficie d'un revenu qui, objectivement parlant, lorsqu'on compare les deux situations, est gagné d'une manière beaucoup plus facilement que celui qui travaille comme un forcené à réaliser des toiles que très peu de gens peuvent comprendre et en apprécier la teneur, étant donné que ces gens-là ne vivent pas un contact intérieur avec les forces qui ont été à l'origine de leur création. Comme le semblable n'est connu que par le semblable et apprécié par lui, bien c'est sûr que si l'individu ne vit pas la fusion avec l'esprit ou n'est pas en contact avec des forces créatives, eh bien il ne sera pas en mesure d'apprécier le travail créatif de quelqu'un qui vit un tel contact intérieur. Donc, autrement dit, si la personne est en contact avec des entités astrales, elle ne pourra pas apprécier le travail effectué par quelqu'un qui est sur le plan mental, au niveau artistique, et c'est tout à fait normal parce que cette personne-là ne sera pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Donc, autrement dit, dans certains cas, il peut être plus intelligent pour quelqu'un de travailler au salaire minimum et faire un travail qui lui demande moins d'énergie que l'autre qui se consacre corps et âme à produire une œuvre artistique d'une beauté incroyable, mais qui ne lui permet pas d'être capable de répondre à ses besoins de base d'une manière adéquate et qui lui draine et lui demande une quantité considérable de temps et d'énergie. Donc, faire des observations honnêtes, c'est ça que, entre autres, que ça peut amener. Et si la personne qui est en contact avec des entités qui l'amènent à faire de la peinture ou des soins énergétiques ou écrire des livres, nourrit un orgueil par rapport à ce qu'elle fait parce qu'elle se croit élue, elle se croit choisie par des entités, elle se croit missionnée, elle se croit supérieure à certaines personnes qui n'ont pas ces capacités. Eh bien, ça peut l'amener à être déraisonnable et de souffrir de sa situation, en ce sens que quelqu'un, par exemple, qui nourrit un orgueil parce que la personne, ça fait des années qu'elle fait de la musique ou de la peinture en relation avec des sphères d'énergie, eh bien, cette personne-là peut croire qu'elle est indispensable à l'évolution future de la société, alors qu'elle n'est pas capable de vivre décemment dans son quotidien. Et comme elle nourrit un orgueil et se croit supérieure aux autres ou mandatée pour délivrer la bonne nouvelle à l'humanité par des forces, eh bien, à ce moment-là, elle s'expose à une situation de souffrance beaucoup plus grande que si elle vivrait tout simplement son contact avec l'esprit sur une base individualisée ou communiquée qu'à quelques individus clés, sans pour autant consacrer sa vie à ça et à ce moment-là vivre comme une personne qui est missionnée, qui cherche à se sacrifier pour le salut de l'humanité en relation avec le contact qu'elle a avec l'invisible. Donc, autrement dit, dans certains cas, il y a des gens qui sont en contact avec des entités invisibles de haut niveau, mais qui se font avoir par elles en proportion, alors que d'autres personnes qui n'ont aucune relation avec des entités d'une manière consciente, à la différence, qui sont plus inconscients, mais qui sont capables de bien vivre leur vie parce que justement, elles n'ont pas un orgueil qui fait en sorte qu'elles vont délaisser le travail au nom d'un contact avec l'invisible. Donc, autrement dit, quelqu'un, dans certains cas, c'est plus pertinent qu'il travaille au salaire minimum, sans contact avec l'invisible, que de vivre une situation de contact qui l'amène à délaisser son travail et se lancer dans des projets qui n'auront pas nécessairement d'écho dans la société, qui n'a pas la capacité d'intégrer adéquatement l'information qui est présentée, ou si elle le fait, puis elle diffuse des choses à travers la parole, l'écriture, la musique, la peinture, qu'elle soit consciente tout simplement que quelque part, ce qu'elle produit ne peut pas être absorbé par la société en général, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas avoir un bassin ou un auditoire suffisamment grand pour être capable de vivre de sa créativité d'une manière décente. Donc, à ce moment-là, elle peut le faire pour son intégration personnelle, mais ne pas viser à en faire un travail ou un revenu principal dans son existence, parce qu'à ce moment-là, elle risque d'être désappointée. Donc voilà l'un des aspects en relation avec l'importance de faire des observations honnêtes. Bien entendu, dans certains cas, il peut être possible que des gens vivent leur créativité et éventuellement, dans le temps, c'est souhaitable. Par contre, l'individu qui se conscientise doit être vigilant dans son processus pour ne pas se créer d'illusions ou d'avoir de faux espoirs en la matière, tout simplement. Donc cela demande d'avoir une très grande justesse parce que d'un côté, il ne faut pas non plus que l'individu qui est en contact avec des idées intéressantes qui proviennent de l'invisible de tout couper la communication parce que ça l'empêche de bénéficier d'une créativité qui va le dynamiser. Mais en même temps, il ne doit pas s'illusionner à l'égard de cette dernière pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire de s'imaginer que parce qu'il vit un contact avec l'esprit, qu'il va devenir automatiquement multimillionnaire en relation avec l'expression créative qui s'y rapporte, que ce soit à travers la peinture, le dessin, la communication, à travers des conférences, des livres, l'écriture et ainsi de suite. Donc, il faut avoir une justesse dans la perception d'une portée, d'une vibration pour ne pas la sous-évaluer et négliger son apport créatif que ça peut avoir à l'égard de l'existence, mais sans pour autant la surévaluer et s'imaginer des choses qui ne sont pas réelles à son sujet. Donc, bien entendu, le discernement se verra requis, plus particulièrement dans le cadre de capacités de contact avec l'esprit. Et en plus, ça prend bien entendu la capacité de s'affirmer et de mettre ses limites en vue d'être bien dans sa peau, en ce sens qu'une entité peut dire à travers la communication télépathique avec un individu en lui insufflant des pensées que s'il fait un enregistrement ou s'il compose une chanson ou une peinture sous son influence, ça va être quelque chose d'unique qui va manifester sur la Terre, qu'il va être un pionnier, qu'il va être un initié et qu'il va amener une forme d'œuvre ou d'art nouvelle. Et si l'individu achète ce discours, qui peut être très valorisant pour lui d'être un pionnier, d'être quelqu'un de nouveau, alors que ça ne se fait pas alentour de lui, à ce moment-là, il peut être piégé parce que s'il manifeste quelque chose de nouveau, mais que ça ne lui permet pas de vivre décemment, ben, ça ne lui permet pas d'être bien dans la peau. Par contre, pendant ce temps-là, l'entité ou les entités qui amènent ce courant d'expression, eux autres sont contentes parce que leur objectif, c'est de manifester sur le plan matériel une vibration ou quelque chose à leur image. Donc, l'entité qui est derrière ça, elle peut se servir de l'individu pour s'exprimer sur le plan matériel qui va canaliser à travers la pensée l'idée ou les idées qui se rapportent aux œuvres créatives qu'elle veut qu'il manifeste. Donc, si l'individu joue le jeu de l'entité, ben à ce moment-là, l'entité vit par procuration à travers l'individu, un peu comme un parent qui va vivre par procuration à travers l'enfant qui va réaliser ses rêves sur le plan professionnel. Donc, si, ben, par exemple, un enfant devient médecin pour faire plaisir à son père, et son père qui aurait toujours voulu devenir un médecin, mais qui n'a pas eu l'audace de le faire de son vivant, mais en influençant son fils alors que lui est décédé pour qu'il réalise son rêve, ben lui, il va chercher une satisfaction, au même titre que l'entité qui provient peut-être d'une autre planète, d'une autre galaxie qui veut manifester une forme d'œuvre d'art différente sur Terre qui se rapporte à son monde, peut être extrêmement satisfaite de ça. Mais l'individu doit toujours être capable de mettre ses limites pour évaluer est-ce que ça fait mon affaire? Puis est-ce que ça permet surtout de répondre décemment à mes besoins, c'est-à-dire être capable de me nourrir, être capable de me loger, être capable d'avoir un revenu aussi pour ma retraite, d'avoir de l'argent aussi pour me véhiculer. Donc, être capable de fonctionner sur le plan matériel décemment, c'est tout ça l'enjeu de l'individu qui doit affirmer ses besoins parce que l'entité, elle, n'ayant pas de besoin dans la matière, n'ayant pas de corps physique, elle n'a pas besoin de faire respecter des besoins à ce niveau-là, à la différence de l'individu qui doit manger à chaque jour, qui doit être capable de dormir, qui doit être capable aussi d'avoir accès à des soins médicaux, à différentes choses qui lui permettent de maintenir sa condition physique d'une manière décente. Voilà l'enjeu auquel est confronté l'individu qui peut avoir accès à des idées créatives. Et c'est pour ça que la capacité d'affirmation doit être forte, parce que si c'est l'influence de l'entité qui embarque, puis l'orgueil de l'individu, du sentiment d'être privilégié ou d'être choisi, ben, ça peut faire quelqu'un qui néglige sa vie sur le plan matériel au profit de l'entité qui l'influence en vue d'un accomplissement créatif. Alors que l'individu, s'il fait ça, il peut faire ça pendant un certain nombre d'années, mais il peut se ramasser aussi à 60 ans puis réaliser que peut-être qu'il a été un grand artiste consacré qui a produit des milliers d'œuvres après une carrière de 30 ans. Mais si la personne se réveille au début de la soixantaine puis la personne n'a pas de fonds de pension, elle n'a rien pour sa retraite et elle aurait eu toute sa vie des revenus qui sont maigres liés à une production artistique, peut-être qu'elle va regretter son choix. Et rendu à 60 ans, il ne lui restera plus beaucoup d'années pour se mettre de l'argent de côté. Elle ne pourra pas revenir en arrière et par conséquent, il lui restera pas beaucoup de marge de manœuvre si elle veut modifier sa situation économique. D'où l'importance d'être capable de tenir compte du fait qu'il faut être capable de fonctionner dans la matière. Ça ne veut pas dire de sombrer dans le matérialisme et la surconsommation, mais plutôt d'être capable de répondre adéquatement avec intelligence à ses besoins pour ne pas négliger l'aspect matériel de l'existence en vue de connaître un équilibre de vie qui est propice à un épanouissement total.